Alors bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je vous rappelle tout d'abord qu'à l'achat de votre billet ce soir pour la prochaine conférence de Daniel, vous pouvez bénéficier d'une cassette gratuite de votre choix sur la liste des cassettes de Daniel qui comporte plus d'une centaine. La prochaine conférence de Daniel aura lieu le vendredi prochain à 20h. Je me fais toujours avoir avec ça, il n'y a pas de date. Vendredi prochain à 20h et aura pour titre « Évoluer malgré la maladie ». Mercredi le 6 août, retenez bien ceci, il va y avoir un mini-séminaire gratuit qui sera donné par Daniel. Alors, les personnes qui sont intéressées à participer à ce mini-séminaire gratuit là, doivent s'inscrire auprès de Pierre. Alors demandez Pierre, si vous voulez, tout à l'heure, au kiosque de cassette, plutôt que Mario Gosselin y est précisé ici. Alors voilà, il me reste à accueillir maintenant celui que vous attendez avec impatience, M. Daniel Kemp. Daniel, bonsoir. On était justement en compagnie, en bonne compagnie tout à l'heure à table. En tout cas, en bonne compagnie, tu vas pouvoir en juger. Avec des personnes qui avaient un point de vue pessimiste ou réaliste, suivant le côté où on se place. Et qui me faisait ou qui me brossait un tableau très sombre de l'évolution de l'humanité à travers les guerres que l'on peut voir sur nos petits écrans, diffusées à travers l'échelon de toute la planète, et qui disait que l'humanité était avancée déjà très loin dans un processus irréversible. On ne pouvait plus revenir en arrière, on était engagé dans le sens qu'il n'y a pas d'exemple sur la Terre de course aux armements qui se termine l'arme au pied. Quand le monde s'arme, il doit y avoir nécessairement une guerre, si l'on en croit certains ésotéristes. Cette guerre existe déjà sur le plan astral au niveau de la formulation dans l'idée, avant qu'elle se matérialise sur la Terre. Alors, quelqu'un me faisait remarquer curieusement que ce soir, le titre de la conférence était « Un pas vers l'évolution » et il me disait « Si l'humanité fait un pas de plus, elle est dans le gouffre ». Alors, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, brosser peut-être un tableau de la situation actuelle. Et est-ce que tu es d'accord, toi également, que l'humanité est en train de se diviser, de se polariser en deux groupes, les personnes qui se conscientisent, qui s'individualisent et qui, de moins en moins, acceptent d'entrer dans les formes que l'on leur présente, et le troupeau de moutons qui suit, veut pas, tout ce que les autorités lui pointent du doigt? Bon, premièrement, le troupeau de moutons qui suit devra de toute façon s'éliminer lui-même pour pouvoir poursuivre un processus de réincarnation évolutif à travers ceux qui se conscientisent dans l'avenir. Bon, ben ça, c'est raide déjà pour commencer. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Non, pas de maintenant, doute. Processus irréversible, l'humain n'a pas la possibilité d'engendrer un processus irréversible. Le seul processus irréversible réel qui n'est pas engendré par l'humain, c'est bel et bien l'évolution de l'humain. Si on regarde le Troisième Reich, dans l'apogée de ce Reich, tout le monde pensait que l'Allemagne était pour conquérir la planète Terre, c'était irréversible. Mais évidemment, des petites choses sont arrivées, des petites choses banales. J'en ai déjà parlé dans différentes conférences, juste le fait qu'Adolf Hitler n'a pas pu être réveillé pour déplacer ses chars d'assaut lors du débarquement en Normandie. Cela a permis aux Alliés de finaliser la guerre. Le fait, par exemple, que Truman ait obligé Guadalcanal à la mort, le fait que le président des États-Unis ait été suffisamment manipulé par les intelligences pour faire en sorte que les messages des Japonais puissent être arrêtés, de façon à ce que Pearl Harbor soit carrément défoncé par les Japonais pour obliger les États-Unis d'Amérique à entrer en guerre, parce que sinon le peuple américain n'aurait jamais voulu voter la guerre. Guadalcanal était prévu, Guadalcanal avait été décidé par le président des États-Unis de façon à ce que les Américains, qui sont toujours un peuple pacifique, un peuple de constructeurs, daignent bien vouloir entrer en guerre. Le fait qu'on ait réussi à formaliser et à finaliser la bombe nucléaire aux États-Unis et non pas en Allemagne. Le fait que celui qui a inventé les V1 et les V2 allemands travaille présentement pour la NASA et soit le chef de l'aérospatiale américaine. Etc., etc., etc. Il y a tellement de choses ésotériques que la majorité des ésotéristes ne savent pas du tout ce qu'est l'ésotérisme. Irréversible, le processus d'aujourd'hui. Bon, s'il est commencé dans l'astral, sachant partant que ceux qui disent ce processus irréversible font partie de ceux qui nourrissent les contingents de guerre de l'astral. Et que ceux qui sont capables, par le fait qu'ils se conscientisent, d'entrevoir une idée comme celle-ci, que l'apocalypse existe dans la tête de ceux qui veulent bien que cela existe, et que l'apocalypse est déjà vécu par ceux qui ont peur, et que l'apocalypse ne touchera jamais l'être qui se conscientise. Ceux qui pensent comme cela ne nourrissent pas les contingents militaires ou guerriers de la psychologie de Mars dans l'astral. Cela veut dire que processus irréversible, l'évolution. Si pour permettre à l'humain d'évoluer, on doit nécessairement détruire une grande partie des corps permettant à l'humain l'expérience planétaire, alors ces corps seront détruits. On ne peut pas détruire l'humain. On peut détruire le contenu. On peut détruire le contenant, mais on ne peut pas détruire ce qui le constitue. Alors, ce qu'il faut comprendre, un pas vers l'homme nouveau, qui est le titre de la conférence, même si Don François parle d'un pas vers l'évolution, est similaire aussi. Si l'humain s'arme, l'arme, il ne le met pas au pied, il se le fait foutre. Là. C'est souffrant, c'est chien, c'est débilitant, c'est involutif dans l'apparence. C'est involutif planétairement, mais c'est possiblement évolutif cosmiquement, parce que sinon, cela ne pourrait pas être. J'ai déjà expliqué que les frères et les sœurs de l'humanité se doivent de se rencontrer et que les antiques religions, quelles qu'elles soient, parlent que dans le ciel ou à la table d'Odin ou un peu partout, disons dans le ciel, lorsque les humains meurent, ils se réunissent à jamais et pour toujours. Et c'est le processus même de récupération des pluralisations d'un esprit ou de différents esprits à l'intérieur de plusieurs corps physiques. Lorsqu'un humain vit une vie similaire à un autre, leur vibration karmique, donc la mémorisation vibratoire de leur expérience, étant tellement similaire qu'une fois dans le monde des morts, dans le ciel, qu'une fois dans le monde des morts, ils se fusionnent ensemble à jamais et pour toujours. Lorsqu'ils se sont fusionnés, ils se réincarnent de façon pluralitaire dans un corps physique, et ça on va y revenir dans une conférence du mois d'août sur la réincarnation. Lorsque ces humains se réincarnent ainsi, ils éliminent la quantité d'âmes évolutives présentes à l'échelle planétaire pour pouvoir cristalliser des êtres humains beaucoup plus évolués qui, comme par le chemin du corps physique, sont capables par une génétique astrale, une génétique amique, de pouvoir améliorer leur possibilité d'évolution ou de compréhension énergétique. Cela veut dire que les guerres ont un seul but au niveau de l'évolution. Enfin, les guerres qui vont venir auront un seul but. Celle ou celui de faire en sorte que les humains qui vont vivre ces cataclysmes humains vivent la même expérience de façon à ce que leur schéma mémoriel se collectivise à un point tel qu'une fois dans le monde des morts, ils se fusionnent pour faire en sorte que des milliers d'individus puissent réincarner ensemble, pluralitairement, fusionnellement dans un même corps. Cela va donc réduire le nombre d'humains sur le plan planétaire jusqu'à un nombre plus ou moins juste de 140 quelques mille personnes. Maintenant, ça ne se fera pas dans les décennies à venir. Ça va se faire dans les centenaires à venir. Les guerres ont une fonction, la collectivisation de l'âme, la collectivisation du schéma karmique mémoriel de chacun des humains, de façon à ce qu'une fois dans le monde des morts, ceux-ci puissent se retrouver, se fusionner, pour pouvoir être réincarnés dans des corps de plus en plus évolués et de moins en moins nombreux. Chaque humain, présentement à l'échelle planétaire, a des sœurs et des frères en esprit, comme le disent les antiques religions. Cela veut dire que le même esprit est divisé et s'exprime dans différents corps, et ces corps se sont suffisamment égoïsés, identifiés à eux-mêmes ou à leurs propres expériences karmiques, pour finir par en oublier l'esprit. Un archétype vient instruire néanmoins ces égos évoluants qu'ils ont des frères et des sœurs à l'échelle de la planète. J'en ai parlé beaucoup dans des conférences que j'ai faites il y a quelques semaines. Je ne veux pas y revenir, donc on peut se référer à ces conférences si cela vous intéresse. Alors, l'Apocalypse, il a une fonction. Faire vivre une expérience similaire à plus d'humains possible. Celui qui a une conscience individuelle, donc celui qui est rendu au stade de l'être transitif vers l'homme nouveau, celui qui a une conscience individuelle, celui qui pense de par lui-même, celui qui ne fait que ce qui apparaît comme intelligent à sa propre conscience, Donc, celui qui se fout de faire des erreurs, celui qui se fout du jugement des autres, celui qui se fout des candidatons, celui qui se fout de la mode, celui qui se fout de l'évolution collective, de l'évolution organisée, celui qui se fout des guerres, celui qui se fout de la paix, celui qui se fout de tout sauf de l'intelligence. Celui-là ne peut pas vivre d'apocalypse. Celui-là ne peut pas vivre d'apocalypse. Il ne peut donc pas vivre l'évolution, il ne peut pas vivre selon les plans évolutifs collectifs de l'humanité. Le fait qu'il ne vivra pas d'apocalypse ne veut pas dire qu'il ne souffrira pas physiquement. Cela veut dire que dans sa psychologie, il ne verra pas de traces laissées par l'événement. Est-ce que ça veut dire, qu'il vivra une espèce d'apocalypse intérieure, mais individuelle, intériorisée, non plus sur le plan collectif? Autrement dit, il échappe au karma collectif de la planète, mais il est obligé de vivre son apocalypse intérieure, dans le sens de nettoyage, de filtre. L'apocalypse que l'être nouveau va vivre ne sera pas un apocalypse régi par la peur. Tandis que l'apocalypse collectif est un apocalypse régi par la peur. La souffrance chez l'homme nouveau. Par exemple, un homme nouveau peut se faire arracher un bras lors d'une explosion en pleine guerre mondiale. Sauf que le bras en moins, ça ne changera rien à sa psychologie. Ça ne changera rien à sa faculté mentale. Ça ne changera rien à lui. Il ne sera pas amoindri sur le plan psychologique. Il ne pourra plus manger à deux mains, c'est tout. Mais c'est simplement tout. Il ne pourra plus se servir de ses deux mains vu qu'il lui en manque une. Et c'est tout. Exactement comme présentement, vous vous contentez tous de ne pas être capable de vous servir de votre troisième main. Pour la simple raison qu'elle est absente. Personne n'a de troisième main dans la salle ici. Et vous n'en souffrez pas. Vous êtes dans le même état de non-souffrance que l'homme nouveau si celui-ci perd une jambe, un œil, une oreille, un bras. Il ne souffrira pas plus de ce manque que vous souffrez présentement du fait qu'il vous manque un bras ou une jambe. Vous dites, oui, mais c'est normal d'en avoir deux. Rien ne vous dit qu'en réalité, vous n'auriez pas dû en avoir trois. Mais étant habitué mémoriellement à en avoir deux, si vous en perdez un, vous vous cataloguez automatiquement comme handicapé, et là, l'apocalypse psychologique commence. Ça ne peut pas être vécu par l'homme nouveau. Ça ne peut pas être vécu. Maintenant, ça ne peut pas être compris par l'homme ancien non plus. Non. L'apocalypse de l'homme nouveau, ça, on ne peut pas appeler ça apocalypse. Ben, si on veut parler, disons, de révélation, oui. Mais si on veut parler d'apocalypse, comme Michel de Nostradamus en parlait... Mais la révélation chez l'homme nouveau, donc à travers ce qu'il va vivre intensément, intérieurement, là, est-ce que ça prend une capacité d'intégrer des événements ou des chocs de vie? La réalisation, elle se fait comment? C'est ajustement des corps là, dans un individu à travers les chocs. Bon. Qu'est-ce qui change chez lui, j'aimerais savoir? C'est un peu comme si on connaît un peu ça aujourd'hui, les barrières d'énergie. Lorsque l'on regarde des films de science-fiction, il y a des boucliers que les vaisseaux spatiaux vont aborder à l'extérieur d'eux lors de guerres, lors de conflits. Des boucliers énergétiques. Alors, si on regarde La Guerre des étoiles, si on regarde Patrouille du cosmos, si on regarde Galactica, si on regarde plusieurs autres, lorsqu'ils vont se battre, ils ont des boucliers. Et s'ils ont suffisamment d'énergie dans leur réacteur, les boucliers peuvent tenir. Alors, ces boucliers ont comme fonction de dévier n'importe quelle torpille à photons, n'importe quel laser, n'importe quelle forme d'arme. Sauf qu'à la longue, le bouclier, pour le dévier, perd une grande partie de l'énergie qu'il constitue en même temps que ce qui vient le frapper. Alors, ça demande énormément d'énergie pour entretenir un bouclier, ce qui fait que lorsque les boucliers sont trop durement frappés, il vient un temps où les boucliers ne sont plus opérationnels. L'homme nouveau, c'est un peu comme cela. Disons que l'homme ancien est un vaisseau spatial qui est entouré de boucliers. Et chaque fois qu'il évolue, il frappe des missiles de réalité. Et ces missiles de réalité ont une seule fonction, frapper le bouclier et finir par l'arracher. Lorsqu'il est arraché, la réalité, ce missile de réalité, vient frapper directement la passerelle de commande. Et là, les personnes qui sont dedans n'ont plus le choix, ils sont obligés de voir la réalité telle qu'elle est. Ils ne peuvent plus la dévier, la colorer à partir de leurs boucliers ou de leurs écrans. L'homme ancien est donc bourré de boucliers, ce que moi j'appelle l'identité, ce que d'autres appellent la personnalité, ça n'a pas d'importance, il faut comprendre ce que l'on veut dire. Et l'apocalypse de l'homme ancien, c'est un apocalypse qui le force non plus l'Apocalypse, disons, tel que prévu par Michel de Notre-Dame, par Edgar Cayce, par Jean 23 et par d'autres, c'est un apocalypse qui va forcer les différents vaisseaux, les différents hommes anciens avec leurs boucliers, à s'unir. Alors, ce qui fait qu'au lieu d'avoir à créer un contexte évolutif qui doit nourrir presque 5 millions d'individus, 5 milliards d'individus, on va s'arranger pour qu'il reste de moins en moins de corps physiques. Donc, les vaisseaux seront fusionnés dans le monde des morts par le processus réincarnatif que j'expliquais tout à l'heure. Et on aura besoin de créer un contexte évolutif qui s'adressera à quelques 100 milliers d'humains et non plus à quelques 5 milliards d'humains. Ça va faciliter les choses. L'homme nouveau, lui, a déjà perdu une grande partie de ses boucliers. Lorsqu'une personne meurt, c'est un missile de réalité qui vient frapper un bouclier. Lorsque lui finit par voir la mort telle qu'elle est, sans qu'il y ait plus de souffrance, peur de perdre le bouclier, sans qu'il n'y ait plus d'appréhension, peur de perdre le bouclier, l'homme ancien a peur de voir la réalité telle qu'elle est. Et c'est là sa souffrance et toute l'énergie qu'il met dans ses boucliers pour se protéger de la réalité fait qu'il ne peut pas évoluer rapidement parce que toute son énergie ne sert pas à sa propulsion, elle sert à l'entretien des boucliers. L'homme nouveau a déjà perdu énormément de boucliers et les missiles de réalité, lorsqu'ils voient des choses telles qu'elles sont, ces missiles viennent arracher des boucliers. Lentement, on va dépouiller l'homme ancien. L'homme transitif, c'est l'homme qui commence à perdre des boucliers, donc qui est automatiquement différent des autres. Il ne peut pas voir le monde tel que les boucliers collectifs l'instruisent parce qu'il n'a plus de bouclier, donc il est obligé de voir le monde à partir de lui. Le bouclier, est-ce que c'est l'ego chez l'homme? Est-ce que c'est la somme de toutes ces insécurités, de ces craintes? On peut craintes? Dire que l'ego, c'est la centrale énergétique qui entretient les boucliers et que l'orgueil, toutes les formes d'orgueil, donc toutes les formes de peur, toutes les formes de désir, toutes les formes d'orgueil sont les boucliers. Et c'est ça qui doit être fracturé dans cette... Étant fracturé, cela fait que l'ego se sent de plus en plus tout nu. Alors, il souffre. Là, l'apocalypse. Mais pas l'apocalypse au niveau du mental. Et l'ego met toutes ses énergies en fonction pour entretenir ses boucliers. Donc, à force de faire sauter des boucliers, briser des formes, à force de faire sauter des boucliers, on finit par aussi puiser l'ego. D'un moment donné, il n'y a plus d'ego. Il vit une espèce de vide à ce moment-là au niveau des concepts, des croyances, des conditionnements, tout ça. Si on continue avec notre vaisseau spatial, ce qui va arriver, c'est que la passerelle de commanderie, elle instruit l'ego de mettre les boucliers. Parce que l'ego instruit la passerelle du monde extérieur. Alors, la passerelle ne sait jamais comment est le monde extérieur parce qu'il est toujours filtré par l'ego et par tous ses boucliers. Lorsque les boucliers ont été sautés par la réalité, les guerres sont une réalité. L'homme est un être qui est extrêmement intelligent, manipulé à être fou. Alors ça, c'est une réalité. Il y a des choses que l'homme, que l'humain doit apprendre, doit découvrir, des choses qui sont irréversibles en ce sens qu'ils n'ont pas à être réversibles. Bon, ce n'est pas des choses qui sont trop avancées, des choses trop puissantes pour l'homme planétaire, pour l'homme terrestrifié, suffisamment faibles pour l'homme cosmique, mais suffisamment fortes pour l'homme terrestrifié. Et là, l'homme, qu'est-ce qu'il découvre? Lorsque les boucliers partent, attaqués par la réalité, l'ego essaie de continuer à entretenir ses boucliers jusqu'à sa mort. Lorsque l'ego part, la commanderie demande toujours à l'endroit où était l'ego, comment est le monde extérieur? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il y a du danger? Il n'y a plus de réponse. Ça, c'est la crise de l'homme transitif, finalement, juste avant qu'il devienne l'homme nouveau. C'est la crise, parce que là, il essaie de constater. Alors, il prend de l'eau, il la goûte, il en détecte une saveur, mais elle n'imprègne pas sa substance émotive. Elle n'imprègne plus rien. Et normalement, avant que le mental soit mis au courant du goût de l'eau, l'émotion a déjà coloré ce stimuli. Et normalement, le mental reçoit un stimuli. L'eau, elle est bonne. Le goût de l'eau, c'est les événements dans la vie. C'est les événements dans la vie. Ce qui est perçu comme des agressions dans la vie. Exactement. Alors, comment peux-tu savoir maintenant tu rencontres quelqu'un? Est-il dangereux? Est-il ami ou ennemi? Est-il ceci? Est-il cela? Est-il cela? L'ego ne colore plus. Alors, la passerelle, ton énergie mentale, attend. Elle voit la personne, mais elle ne fait rien. Parce qu'elle attend une réponse, une analyse. Elle attend que la mémoire karmique, donc l'expérience de cet individu, vienne lui dire... T'as déjà connu quelqu'un habillé comme ça et c'était quelqu'un de dangereux. Donc, cette personne peut être dangereuse. La partie mentale, elle attend. Et il n'y a plus rien. Les boucliers sont partis, il n'y a plus d'ego. Alors, ça prend un certain temps, un laps de temps où le mental n'a pas encore le contact avec l'énergie supramentale, donc n'a pas encore de contact avec son propre esprit, parce qu'il entretient toujours le contact avec l'ego, avec la mémoire, avec le passé, avec le monde des morts. Et vu qu'il n'a plus de réponse de ce côté, il y a un vide, il y a un creux. Cette personne, elle semble idiote. Tu vas lui lancer un verre d'eau, elle va l'esquiver, mais elle semble idiote. Tu vas vouloir l'attaquer, tu ne pourras pas réussir à l'attaquer, mais elle semble idiote. Alors, elle est totalement efficace parce que tout à fait en relation avec la vie, mais elle est sa conscience est encore braquée sur le passé qui n'existe plus chez elle. Elle va donc prendre un laps de temps pour arriver à accepter de prendre contact avec la réalité, donc avec la vie et non plus avec la mémoire de la vie, le monde des morts. Lorsque ce contact est fait, cette personne n'a plus l'air idiote. Elle est au-delà du monde de l'humain. Apocalypse, puis apocalypse, ça n'a plus rien à voir pour cette personne. C'est une substance qui n'a plus de saveur. Bon. Alors, toute expérience est donc résumée, accumulée, emmagasinée sur le plan astral pour être ensuite restituée par le biais de l'incarnation sur le plan physique dans un plus petit nombre, un nombre réduit. Mais s'il y a moins de quantité, il y a peut-être plus de qualité dans ce nombre-là ou de puissance au niveau de cette astralité aussi. Et il y aura aussi. Bon, dans les deux aspects de la polarité, autrement dit, on peut s'attendre à ce que les êtres qui se réincarnent étant le produit de ces expériences négatives sur le plan astral, cumulées, peuvent être en quelque sorte des gens extrêmement dangereux, genre antichrist comme il est prédit dans la Bible. Bon. Très puissant. Oui. Premièrement, c'est évident que l'homme nouveau sera d'une puissance insoupçonnée jusqu'à nos jours. Je parle d'homme nouveau accompli. L'homme nouveau accompli, c'est un homme nouveau fusionné avec son esprit. Sauf que, bon, c'est intéressant ce que tu amènes, c'est peut-être plate que tu l'amènes, je vais en parler quand même. Parce que c'est une chose qui est réelle et qui est vraie. Bon, je vais essayer de simplifier ce que je veux dire aussi. Non, pas pour moi, moi ça va. Oui, mais ajouter un élément, si les âmes d'expériences négatives s'incarnent dans de petits nombres, mais toujours plus puissants, ça veut dire qu'il va y avoir un combat finalitaire entre deux fractions de l'humanité. Oui, et non. Deux fractions, mais il ne faut pas les calculer en quantité. Ce ne sera pas la moitié. Il n'y aura pas que 2,5 milliards contre 2,5 milliards. Il y a une chose qu'il faut comprendre premièrement, et ça, c'est un mécanisme extrêmement important qui peut expliquer des choses. Les égrégores. Chaque fois qu'une expérience arrive, tu émets de l'émotion. Elle peut être bénéfique, négative. Et cette émotion est enregistrée. Lorsque je dis que la matière enregistre les vibrations, c'est un exemple que j'ai donné souvent, je le répète pour les personnes qui n'étaient pas là. Ceux qui ne croient pas que la matière enregistre, bien on a des photos. C'est de la matière qui a enregistré quelque chose. On a les cassettes, c'est de la matière qui enregistre la parole. On a les cassettes vidéo, on a les disques laser. On peut en mettre tant qu'on en veut. On a suffisamment de preuves que la matière enregistre. Il faut l'appareil pour pouvoir lire. Si la matière n'enregistrait pas, si elle n'avait pas de mémoire, elle ne pourrait pas exister dans la forme. Non plus. C'est intéressant, ça. Ça veut dire que si l'homme nouveau, l'homme esprit, le surhomme de ce qu'on annonce dans je ne sais combien de temps... perd sa mémoire, il n'a plus de forme à ce moment-là, de corps physique formel. Et pourquoi, lorsque l'antique religion parle d'un dieu qui se fait homme, ce dieu devient-il moins puissant qu'un dieu? C'est que si tu veux te faire formel, tu perds automatiquement en plan de conscience. Tout est accumulé au profit de la mémoire pour maintenir Exactement. La forme. Alors, tu dois, pour maintenir la mémoire, te concentrer sur la mémoire et tu perds lentement le contact. Ça, c'est un processus qui est arrivé à l'humain depuis l'or. Que décennies. Donc, dire qu'on est prisonnier de la forme aujourd'hui, ça veut dire à ce moment-là qu'on a tout focalisé sur la mémoire de nos expériences. Mm-hmm. C'est peut-être ce qui empêche une mutation. Quand c'est on parle ce de l'homme esprit, empêche, oui. Si on va plus loin que l'homme nouveau, qu'on va mm-hmm. au stade de l'homme esprit, il ne doit plus avoir, d'après ce qu'on a pu lire ou entendre, de mémoire. Donc, il ne peut plus entretenir une forme. Il va avoir quel corps alors s'il n'y a pas de forme? Alors, pour être précis, l'homme-esprit n'existe pas, c'est l'esprit. Il n'y a pas l'homme-esprit. Tu ne peux pas le personnifier de cette façon. C'est l'esprit. Oh, évidemment, quand on parle de l'homme-esprit pour donner une substance intellectuelle aux personnes qui vont écouter. Mais l'homme-esprit, ça n'existe pas. L'esprit peut exister et... Mais le mot « esprit » est un mot extrêmement bâtard qui essaie de définir une chose qui ne peut pas être contenue dans un mot. Alors, ne parlons pas de la forme pour l'instant, on peut revenir, mais tu me parlais plutôt de l'antéchrist. Tu parlais de la pluralisation fusionnelle de, disons, d'âmes ou d'expériences extrêmement basses. Du bas astral, oui. C'est ça, du bas astral. Et tu te demandes si, en se réincarnant dans des corps physiques, si cela ne va pas donner des entités hautement concentrées de bas astral. Parce que Jean 23 disait que le combat entre les fils des ténèbres et des lumières, les fils des lumières, sera très, très souffrant également pour les fils de la lumière. Oui, mais Jean 23 Pourquoi? Ne parlait pas, quand il parlait des fils des ténèbres, il ne parlait pas des entités nécessairement du bas astral. Et si c'est lui, c'est ce qu'il entendait, ben, il se trompait, parce que ce n'est pas... On ne luttera presque pas contre les entités du bas astral. Contre les forces des ténèbres, oui. Contre les forces intelligentes qui essaient de faire en sorte que l'évolution de l'humanité se fasse progressivement. Pour ne pas que celle-ci soit détruite, et contre les forces de lumière qui, à l'origine, ont créé l'humanité, les forces luciférienne, qui, eux, veulent absolument que l'humanité évolue à toute vitesse, au détriment même de la fonction super-universelle de l'humain. C'est là que le combat va se faire. Autrement dit, le combat va se faire entre celui qui se conscientise et qui s'en fout, contre celui qui se conscientise et qui en est tout fier. Le combat va se faire entre les deux. Celui qui veut avancer, qui a une soif d'avancer, les êtres de lumière, contre les êtres de ténèbres, mais qu'on a toujours maudits, mais qui, en fin de compte, ont été les salvateurs de l'humanité. Regarde, on parle de Lucifer, on parle de Satan. Lucifer, c'est un enfant de bon. Mais Lucifer, c'est quand même le père créateur de l'humanité. Alors, on en parle de telle façon que Lucifer, c'est un être de lumière. Et les êtres de lumière sont les problèmes dans l'humanité. Toutes les guides de lumière sont des merdes pour l'humanité. Tous les maîtres du monde sont des problèmes pour l'humanité. Ce sont des êtres de lumière. Parce que dans le sens que tu le dis, c'est parce qu'ils prétendent accélérer l'évolution de l'humanité, c'est ça le danger d'après toi? Exactement. Tu es dans l'obscurité depuis 50 ans, et à un moment donné, un être des ténèbres vient à ta maison, prend une petite aiguille et perce lentement un trou dans ta porte. Alors il y a un tout petit peu de lumière qui pénètre. Et ça, c'est un guide de ténèbres. Et cet être de ténèbres fait rentrer un tout petit peu de lumière, alors tes yeux ne viennent pas aveugles. Tu peux voir un peu. Et l'être de lumière, lui, il prévient, il cogne chez vous, il ouvre la porte, il rentre, je vois, je suis le sauveur. La lumière rentre et elle te brûle carrément. Et c'est toujours ce qui est arrivé. On a maudit les religions, mais les religions étaient, pour la grande majorité, régies par les êtres de ténèbres. Et lorsque l'être humain découvre le mécanisme même de la régence par les êtres de ténèbres des religions, alors il dit, religion, je ne peux rien savoir, je pile dessus. Mais les êtres qui, apparemment, auraient évolué grâce aux guides de lumière, sont-ils réellement plus avancés que les personnes qui ont évolué dans les religions? Pourquoi y en a-t-il pas sur la planète des êtres de lumière humains qui ont été guidés par des guides de lumière et qui sont capables de faire des choses qu'on a retrouvées dans les religions régies par les êtres de ténèbres? Être de ténèbres, on pense que cela veut dire celui qui va occulter. Si c'est dans ce sens, ça c'est du bas astral. Mais la majorité des personnes qui ont parlé des guides de ténèbres ou des êtres ou encore des forces des ténèbres, ce ne sont pas les forces sataniques. Dans Livre d'horreur, on parle des forces des ténèbres relativement aux forces sataniques. OK, là-dessus, ça c'est de la merde. C'est même pire. Bon. Mais les guides de ténèbres ou les guides de lumière ne sont pas les salvateurs de l'humanité. Ce sont nos problèmes. C'est les créateurs de l'humanité. Parce qu'ils n'ont rien compris. Enfin, ils étaient manipulés de toute façon. C'était permis. Il n'y a pas un être de lumière qui va venir faire quelque chose qui n'est pas permis. Les forces, bon, l'évolution, l'égrégore. Ceci est un égrégore spirituel créé par des millions et des milliards de fidèles qui, au cours des millions d'années, prient. Et cet égrégore, il a la faculté, lorsqu'une personne pénètre dans une pièce qui est décorée selon un décorum vibratoire qui attire cet égrégore, lorsque le prêtre est habillé à l'intérieur de telle couleur et à l'extérieur de telle couleur, lorsqu'il monte sur une plateforme qui contient un certain nombre de marches, tout est calculé pour dégager un nombre de formes attractives de l'égrégore. Prenons l'égrégore d'une religion. Lorsque ce prêtre prononce des mots particuliers, automatiquement, une partie de l'énergie de l'égrégore descend dans l'église, dans le monastère, dans le prêtre, et le prêtre acquiert une puissance. Tant que le prêtre catholique parle en latin, il attire. Ce n'est pas ce qui est dit en termes de ce qu'on veut communiquer qui attire, mais bien plus ce qui sort de la bouche, donc le latin. Maintenant, c'est traduit, alors l'Église. Elle n'attire plus l'égrégore, sauf dans des régions où on parle encore latin, parce que ce sont des formules magiques, des rituels, qui attirent l'égrégore. Lorsque cet égrégore cesse d'être énergisé, même lorsqu'il est énergisé, l'égrégore, il a un défaut. Les religions ont tous un défaut. Les enfers ont tous un défaut. Les cieux, les ciels, ont tous des défauts. Les dieux ont tous des défauts. Les anges, les saints ont tous des défauts. Ils tendent à être oubliés. Et lorsqu'une religion est oubliée, elle est morte. Lorsqu'un dieu est oublié, il n'existe plus. Il n'est plus puissant. Il ne peut même plus se venger. Oublie. Lorsque les saints sont oubliés, ils disparaissent. Les égrégores ont un défaut. La région où l'égrégore vit, il peut entrer en vibration avec ta conscience, avec la conscience du monde. Alors, la personne a donc une conscience de cette religion. Et dans ce cheminement de manipulation entre l'égrégore et la personne, le fidèle, la religion oblige le fidèle à prier, à penser à son Dieu, à penser à ses saints, à penser à sa religion. Donc, lorsque celle-ci perd en énergie, les fidèles la renourrissent, la replaçant à sa place. Mais il vient toujours un temps où cette religion, il y a des parties de cette religion qui descendent suffisamment parce que l'âme ne peut pas évoluer parce que l'âme n'a pas fini d'involuer. Le processus d'évolution amique cosmique prévoit une involution de l'âme à un point tel où elle pourra recommencer à évoluer. Mais l'âme n'a pas fini son involution. Les guides de lumière l'ont bloqué au niveau psychologique, au niveau spirituel. Et là, ils veulent faire en sorte qu'elle retourne et elle ne peut pas retourner. Alors l'âme doit donc être baissée en vibration pour devenir éther, pour devenir plan vital, pour devenir de la vie. Et ça, c'est la partie la plus basse que l'âme ira chercher. Le périsprit en est déjà constitué. Le périsprit doit absorber toute l'âme. Mais ça ne se fait pas comme cela pour l'instant. Il y a l'ego, l'identification, les mémoires, le karma. L'égrégore descend lentement et on oublie des saints, et on oublie des traditions, et on oublie des fêtes. La fête de Pâques, la fête de ci, la fête de ça, et de plus en plus, les fêtes, la fête de Noël n'est plus ce qu'elle était. Tout le monde se plaint, elle se l'a dit. Plaignez-vous pas, c'est miraculeux. Et toutes les fêtes ne sont plus ce qu'elles étaient, et tant mieux. Parce que lentement, on oublie, il y a des strates de l'égrégore qui sont grugées, qui deviennent de la vie. Et c'est nécessaire parce que l'humain, pour se constituer un double éthérique, l'humain, pour constituer son cheminement évolutif, a besoin d'énergie vitale. Il a besoin de vie. Et les religions perdent pour donner de la vie. Toutes les mauvaises expériences, les viols, c'est parce qu'on pourrait dire, évidemment, que si 10 millions d'alcooliques se réincarnent dans un corps, le gars, il va boire en maudit. Si 10 millions de violeurs se réincarnent dans un corps, le gars, il va violer. C'est pas possible. Il va même se violer lui-même. Bon. Il va se violer dans le miroir. Il va faire de quoi? Mais ça se passe pas comme ça. Les parties les plus basses des plans astraux vont dans le plan... Parce que, vois-tu, il y a un laps de temps qui est relativement long pour certains, mais qui est court au niveau cosmique. Il y a un laps de temps entre la finalisation expérientielle dans un corps physique, la mort, et la réincarnation dans un corps physique. Il y a un laps de temps. Et ce laps de temps, il sert à plusieurs choses. On a déjà élaboré là-dessus, mais disons aussi que la strate la plus basse du plan astral ne se réincarne pas dans des entités vivantes, évolutives, parce que ça ne fait pas partie de l'évolution de l'humain au niveau vibratoire accumulé dans l'âme. Ça ne fait pas partie de l'évolution de l'humain. Les viols, les meurtres, les batailles, les incendies, tout ce qui est régi par Mars, tout ce que l'humain appelle animal, mais qui est typiquement humain, mais bassement humain, tous ces plans ne se réincarnent pas. Ces plans sont appelés à être oubliés. L'humain parle de plus en plus de paix. L'humain oublie la guerre. Sauf qu'il y a trop d'humains encore qui parlent de guerre. Donc, la guerre reste énergisée. Mais par les processus de réincarnation, on oublie. Ces plans vont servir à créer de la vie. Et cette vie va servir l'humain qui va naître. Maintenant, si on revient à l'Antéchrist, ça, c'est assez intéressant. Je vais boire un peu et je vais en parler. Autrement dit, ce que tu nous dis à travers tout ça, c'est qu'il faut respecter un rythme d'évolution qui soit naturel, qui a été prévu par... qui fait partie du plan dit ou de l'intelligence ou de la manifestation de l'énergie dans la matière sur le plan physique et qu'il faut respecter. Le rythme naturel est divisé en deux. Celui où tu le suis ou celui où tu luttes contre et tu le suis malgré toi. Bon, mais il ne veut pas tu le suis malgré toi. Bon, donc, c'est ni profitable, ni la résistance, ni l'accélération. Non, exactement. Et les deux ne donnent rien d'autre que de la souffrance, mais ça avance la même chose. Mais l'homme, est-ce qu'il n'est pas le produit d'une espèce d'accélération, d'un tripotage au niveau, je ne sais pas, génétique? Est-ce qu'il n'a pas été comme accéléré dans son expérience? C'est-à-dire qu'il a été accéléré selon ce qui est prévu pour l'humain. On ne peut pas prendre un singe et tripoter son système neuronique pour en faire un humain. Ça ne se fait pas. On aura beau faire ce qu'on voudra, on ne peut pas. Si on prend le cerveau d'un humain, qu'on le greffe dans le corps d'un singe, alors là, on aura un humain dans un singe. D'accord. Mais on aura dû prendre un cerveau d'humain, on ne peut pas prendre un cerveau de singe et en faire un cerveau humain. Et on aura beau mettre tout ce que l'on voudra comme science, on n'y arrivera jamais. Alors, l'humain n'est pas accéléré tant qu'il ne peut pas être accéléré. Autrement dit, l'humain n'est pas accéléré. L'humain suit un cheminement évolutif qui est exponentiel, mais qui est déjà prévu exponentiel et qui n'est pas accélérable, qui n'est pas accéléré. Chaque fois que toi, tu peux te permettre une chose, cela t'est permis. Mais vu que l'évolution de l'humain est exponentielle, alors par rapport au processus, disons, aux statistiques d'évolution de l'humain, on va dire, dans 20, dans 30 ans, on devrait être rendu là. Puis d'un coup, pouf, dans 30 ans, on est rendu là. Alors on dit, on a été accéléré. On n'a pas été accéléré. On est dans une courbe exponentielle d'évolution. Plus ça va vite. C'est normal. L'Antéchrist peut être et va être perçu de deux façons. Premièrement, toutes les milliers de personnes qui ont cru en au Nazaréen, qui ont cru en Jésus de Nazareth, qui ont cru en Jésus Christ, ou qui ont cru en Christ, ont créé différents égrégores du Christ dans l'astre. Celui qui parle du Nazaréen s'adresse à l'égrégore le plus proche de l'expérience vibratoire réelle du Nazaréen. Pardon. Celui qui parle de Jésus de Nazareth s'adresse à un égrégore tout à fait créé pour plaire à un égrégore religieux. Historique, dans ce sens. Historique, parce que la ville de Nazareth a été baptisée ainsi 300 ans après la disparition du Nazaréen. Elle n'existait pas lorsque le Nazaréen est apparu. Celui qui parle de Jésus-Christ mélange automatiquement deux égrégores. Un égrégore alchimique christique qui a une connotation, enfin, qui parle de l'énergie supramentale, donc de l'intelligence instantanée, du Père, du premier Père dans les cieux, et de Jésus, chez Joshua, fils de Joseph, le corps physique qui a transporté le véhicule intelligent, et etc., etc. Lorsqu'on parle d'Antéchrist, est-ce qu'on veut dire un être humain? Est-ce qu'on voudrait dire, par exemple, le Christ lui-même, pour parler du Nazaréen, mais ce n'est pas comme ça que ça va se passer, mais c'est similaire. Si le Nazaréen, tel qu'il était, revient sur le plan planétaire et qu'il vient dire, « Ben merde, gang de cons, cessez de vous mettre à genoux devant des statues! »« Ah, oh, mais c'est pas une statue, c'est un crucifix! » Il n'y a pas une maudite... Il n'y a aucune différence! Alors, le Nazaréen lui-même viendrait dire à ceux qui s'écrasent devant des crucifix de bois priant la fonte d'un homme en train de broyer, en train de souffrir, ceux qui adorent un être souffrant au lieu d'adorer un être glorieux, bien, si lui vient leur dire de cesser ça, il est automatiquement un antéchrist. Et un antichrist. Et c'est le Christ qui devient un antichrist. Pourquoi? Parce que lui vient pour essayer de faire en sorte que toutes les asties d'idées qu'on se fait de lui soient démolies. Donc, il est antichrist. Oh, mais le Christ, il va venir m'aider, il va venir me sauver. Ça marche pas comme ça. C'est l'antichrist! Oui, mais c'est aussi le Christ. Lui, il est passé, et après son passage, on a créé des idées de lui. On lui a donné une barbe, on lui en a ôté, on l'a habillé propre, on l'a habillé sale, on y a mis des poux, on y en a pas mis. On l'a rendu asexué, parce que le Christ peut pas être sexué. On a créé plusieurs choses, et différentes religions maintenant adorent différentes idées du Christ. Et si tu viens juste cracher sur l'image du Christ, ils sont convaincus que tu craches sur le Christ. C'est ça de l'idolâtrie. Lorsque la forme prend plus d'importance que la réalité, ou que ce qu'elle est supposée représenter, c'est de l'idolâtrie. Eh bien, tout le peuple, presque tous les peuples religieux de la planète, y compris évidemment les peuples de l'Église catholique romaine, sont idolâtres. Et les idolâtries des choses. Alors, l'Antichrist est premièrement une forme de retour de l'énergie christique à l'intérieur des hommes nouveaux, c'est-à-dire donc de l'intelligence instantanée. Et il n'y a pas un seul homme nouveau qui ne pourra pas être catalogué d'antichrist à un moment donné. Il n'y en a pas. Même le Christ serait catalogué d'antichrist. Alors tous les hommes nouveaux, toutes les femmes nouvelles, tous les enfants nouveaux seront automatiquement catalogués d'antichrist. Et d'antichrist, c'est-à-dire qu'ils viennent avant la conscientisation du retour christique par l'homme ancien. Donc, ils seront taxés d'antichrist dans le sens qu'ils n'attacheront plus d'importance du tout à la forme, mais totalement identifiés avec l'énergie. Oui, quand un gars vient dans une synagogue, ou quand un gars vient dans une église, ou quand un gars va dans un temple, et qu'il dit « Non, non, priez plus le Christ, il a une grosse partie chez moi. » Oh ouais, lisez tous vos livres, là. Il s'est même dit que ça va revenir, que l'humain va faire plus que lui, puis etc., etc., etc. Parce qu'il y a de l'évolution dans l'humanité, alors évidemment, ça va faire plus. Et on peut lire tant qu'on voudra, je pourrais en sortir un paquet, mais ça me tente pas. On a donc un aperçu un peu de ce qui va opposer deux fractions, ceux qui seront attachés à la forme et ceux qui seront dans l'énergie de la forme. Exactement. Il faut accepter le Christ chez soi, le Christ il est chez moi, il m'aime, le Christ il me sauve. Ton Christ c'est de la poubelle. Hey! Satan est déjà chez toi. Si tu veux parler à moi, présente-moi quelqu'un qui est habité par le Christ, et je pourrais te dire si, par l'énergie christique, et je pourrais te dire si c'est vrai ou pas. C'est extrêmement facile, parce que là où il y a de l'ego, il peut pas avoir d'esprit. Là où il y a de l'esprit, du n'importe quoi, ça le dérange pas. Il s'en fout. Alors, l'homme nouveau sera déjà lui-même antichrist pour l'homme ancien. Mais si on parle de la bête, autre chose. La bête, ce n'est pas l'antichrist ou l'antéchrist. Il faut comprendre avec que c'est antéchrist qu'on aborde dans la Bible et non pas antichrist. Antéchrist, c'est celui qui vient avant. Avant, antérieur au Christ. Mais dans la Bible, on n'a jamais parlé d'un antichrist, d'un destructeur du Christ comme tel. On parle de la bête. Ah! De la bête qui va surgir et qui va être capable apparemment de faire les mêmes miracles que les probabilités, disons, expérientielles ou exprimées de l'énergie intelligente, des hommes nouveaux, ou du Christ, ou de Dieu, ça dépend des livres. Et cette bête va être capable d'aller chercher tous les humains, et elle aurait même été chercher les élus si cela aurait été permis. Permis, ben c'est ça. Quand je parle de choses intelligentes, ce sont des choses intelligentes. Il n'y a rien qui, présentement, existe sur le plan planétaire qui n'est pas prévu, qui n'est pas mécaniquement prévu. Si on parle de la bête, on parle de mécanismes lucifériens. Ça t'intéresse qu'on parle de bête? Je voudrais juste encore savoir, peut-être une précision. Donc, j'identifie les gens qui sont dans la forme, les gens qui sont dans l'énergie christique, ceux qui sont dans la forme du Nazaréen historique. Donc, est-ce que c'est ce que la Bible essaie de nous signaler lorsqu'elle dit que le fils se retournera contre son père, la fille contre sa mère, etc., que les familles vont être très, très divisées? Donc, ce sera à ce niveau-là. Oui, effectivement, oui. Quand un enfant nouveau naît dans une famille ancienne, veut pas, le fils se retourne contre Pain, son père, contre sa mère aussi. Contre ses frères et contre ses sœurs. Pour la simple raison que ses frères et ses sœurs, en esprit, ne seront pas nés sous le même toit. Donc, c'est déjà un peu ce qu'on s'aperçoit avec les enfants qui naissent aujourd'hui, qui contestent justement toutes les formes traditionnelles de pouvoir, de la société, etc. Toutes les formes, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Sauf qu'évidemment, ils sont extrêmement manipulés par la forme supramentalisée dans l'astral de la conscientisation. Alors, ils vont se recréer des formes qu'ils accréditeront parce qu'ils seront tellement occupés à détruire les formes créées par les autres. C'est normal. Qu'ils ne pourront pas voir leurs formes. Normal. Tout à fait normal. Sans quoi, ce serait juste de la lumière sur le plan physique. C'est pas possible. Non, exactement. Il faut qu'il y ait une forme. Il faut comprendre. Exactement. Il faut comprendre. Jusqu'à un point où ils vont pouvoir se créer une forme, disons, typique pour eux autres, individuellement. Alors, on reste dans la forme, mais comme tu viens de le dire, on n'a pas le choix. La lumière ne peut pas toucher la matière sans la forme. Et la forme, c'est de l'astral. L'astral s'appuie sur le vital, qui s'appuie sur le corps physique, et cela permet au corps physique de connaître la lumière par l'intermédiaire de la forme. Et ça, c'est tout à fait évolutif et normal. Lorsqu'il n'y aura plus de forme, on parle d'esprit ou d'homme esprit, d'homme oiseau. Lorsque les enfants ou lorsque l'être humain finit par individualiser sa conception même ou sa vision de la réalité, ou encore l'expression vibratoire de sa propre vie dans la réalité ou dans la vie, il aura donc une conceptualisation de forme typique de lui, mais qui pourra entrer en résonance d'une façon tout à fait facile avec n'importe quelle forme d'être intelligent, sans jamais qu'il y ait de guerre d'ego, parce qu'il n'y aura plus d'ego. La bête, c'est quelque chose d'assez intéressant. Premièrement, c'est pas une bête, ça n'aura pas une queue et des cornes. Lorsque l'humain a été créé, il y a énormément de parties humaines ou de parties qui ont été accumulées par les êtres humains de l'époque. On n'était pas 4 milliards à l'époque, on était beaucoup moins. Et toutes les parties lucifériennes, donc toutes les parties énergétiques supramentales qui avaient la fonction de créer l'humain, de le créer tel qu'il était, donc de créer un humain évolutif mais amisé, donc avec une âme, avec une forme psychologique, un karma et une mémoire. L'être humain donc souffrait à partir de ce moment donné. On parle de l'Éden, ça se rapporte à la Lémurie, si on regarde la tradition ésotérique. Toutes les parties lucifériennes qui n'ont pas la faculté d'habiter l'être humain, et il y en a beaucoup, parce que chaque être humain est habité par une partie luciférienne, c'est tout à fait normal, c'est la partie qui va évoluer chez lui. Tous ces mécanismes vont, d'ici peu, c'est en formation, réussir à s'agglomérer suffisamment pour pouvoir finaliser la prise de possession dans un corps humain. La dernière fois qu'on a eu une possession luciférienne massive, ça l'a été lors de la création du Troisième Reich et ça l'a été par Adolf Hitler. Lorsque les entités du bas astral possèdent l'humain, ils en font un animal. Alors, on a vu suffisamment de films d'horreur, on a vu L'Exorciste, on a vu d'autres films. Ce sont tous des possessions du bas astral, ce que l'on appelle satanique. Lorsque une entité luciférienne possède un humain, il en fait un génie. Alors, lorsque, à un moment donné, un génie apparaîtra sur le plan planétaire pour finaliser la collectivisation de tous les moutons, sauf les élus, sauf ceux qui seront capables de goûter la vibration de l'être humain, sauf ceux qui seront capables de voir l'humain tel qu'il est, non plus par les yeux, mais par la vibration. Donc, ce qu'on appelle les élus. Maintenant, il n'y a pas d'élection, je le répète. Et lorsque cette entité va apparaître, il aura la puissance des guides de lumière, il aura la puissance des maîtres du monde, il pourra se servir de la puissance de toutes les formes religieuses, il pourra se servir de la puissance de toutes les traditions ésotériques reliées à l'évolution de maîtres. Il sera donc capable de se servir de la puissance de toutes les forces astrales pour essayer seulement, d'empêcher la supramentalisation de la planète Terre. Maintenant, si on se demande pourquoi un être humain, aidé évidemment de fidèles, aura comme fonction d'empêcher l'intelligenciement de l'humanité, y a-t-il une raison intelligente? Ben oui, évidemment, il y a une raison intelligente. Pourquoi une bête naîtrait-elle? Pourquoi Dieu serait-il permis de laisser naître des bêtes, des cochons, des stupides, pour venir ramasser une partie de l'humanité pour les envoyer en enfer? Plaisant. On a un maudit bon Dieu. C'est certain qu'on le remplace. Non, l'intelligence n'a pas prévu cela comme cela. On l'a enseigné à l'humain il y a 2000 ans comme cela, parce que l'humain ne peut pas le comprendre autrement. Lorsque toutes les forces astrales se lègueront contre l'intelligence, lorsque toutes les forces astrales se pluraliseront, se réuniront, se concentreront, elles seront plus facilement vitalisables. C'est-à-dire que la bête est là pour fonction d'absorber en elle les plans karmiques de l'évolution de l'humain. Cela va évidemment être exprimé dans des formes apocalyptiques telles qu'on en a entendu parler, mais ce n'est jamais comme cela a été écrit. Ça va être surprenant. Vous allez être surpris. Elle voit. Ce n'est pas comme vous pensez. Et le rôle de la bête ou le rôle de tous ces mécanismes lucifériens, le rôle des plans de l'involution, c'est de forcer l'involution finale des plans de l'astral, donc d'obliger le monde des morts à disparaître pour devenir de la vie, c'est-à-dire pour être transmis en énergie vitale. Alors cela va simplement aller chercher tout le plan astral pour le rendre au plan vital. Et là, évidemment, la lumière gagne, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de guerre. Il y aura évidemment des étincelles. C'est normal, il y aura des choses. Il y a de l'ego, il y a de l'identification dans ces plans mortuaires. Dans le monde des morts, dans ce ciel, il y a un Dieu dans ce ciel. Et ce Dieu ne voudra pas mourir pour laisser la place à la réalité. Ça veut dire que tout le réservoir astral doit se vider à un moment donné. Exactement. Dans Et une comment période. Ça va se vider? Mais ça va se vider en étant matérialisé. Dans l'humain, ça devient expérientiel. Et si ça devient expérientiel dans l'humain, parce que dans le monde des morts, il n'y a pas d'évolution, on ne peut pas rien foutre avec le monde des morts. Il faut absolument que le monde des morts soit incarné dans un humain. Et lorsque tout le monde des morts sera incarné dans un humain, ou dans différents humains, ce qu'on appelle la bête, ce qu'on appelle évidemment l'enfer planétaire, l'apocalypse, lorsque le monde des morts sera vivant, incarné dans des humains, alors là, il pourra être éducable, et là, il pourra être vitalisable. Ça va exploser, ça va faire du feu, et ça va être de la vie. Et c'est à partir de ce monde des morts qu'on va pouvoir restaurer une échelle planétaire, une évolution planétaire. Certains parlent de Jérusalem céleste, ça c'est autre chose. Si on parle de recréer un Éden, ben c'est facile, quand tu as suffisamment d'énergie vitale, c'est de transformer un Sahara en jardin, c'est peanut. Bon. Il faut aller chercher cette énergie-là. Il faut avoir l'énergie. Il faut la descendre sur le plan physique. Exactement. Et comment on va la descendre sur le plan physique? En pesant par en haut. Comment on pèse par en haut? En parlant comme je fais aujourd'hui, en parlant comme d'autres font aussi, c'est-à-dire en supramentalisant l'astral. Alors, automatiquement, les plans tout à fait spirituels sont écrasés par l'énergie supramentale dans l'astral. Cette énergie va, elle, de toute façon, intégralement être transmuée en énergie éthérique planétaire, donc en énergie vitale. Et là, on écrase. Alors, ce qui fait que plus l'humain se conscientise, plus l'humain attire sur le plan planétaire de l'énergie supramentale. Cela veut dire que plus l'humain l'attire, plus l'humain l'exprime. Plus l'humain l'exprime, plus cela est mémorisé dans l'astral. Alors, plus il y a d'êtres humains qui se conscientisent, plus il y a d'êtres débiles qui naissent. Et plus il y a de violence, plus il y a de probabilité de guerre, plus il y aura d'humains qui vont évoluer, plus il y aura d'humains qui vont être violents, parce que c'est tout à fait normal. Parce qu'on force le plan des morts à se cristalliser au niveau du plan vivant. Moi, je vois ça un peu comme un réservoir où la parole aurait la fonction de trouer ce réservoir-là pour le vider, de trouer ce plan-là astral. C'est ça. C'est une forme c'est qui exprime bien ce qui va se passer. L'agglomération des entités sur les différents plans invisibles se fait par une espèce de loi de correspondance, à ce moment-là, vibratoire. L'amour. Autrement dit, ce qui se ressemble s'assemble. L'amour ou la haine, si on prend tous les aspects de la polarité. L'amour. Oui, ce sont deux polarités de la même énergie. Tu haïs toujours ce que tu as aimé. Et tu haïs le plus ce que tu as le plus aimé. Donc, on peut comprendre au travers de ça aussi ce que le Christ disait lorsqu'il posait la question « Qui est donc mon père? Qui est ma mère? Qui est ma famille ?» Ce qu'il voulait dire, c'était qu'il y avait justement des familles qui étaient vibratoires sur les plans invisibles et dont le lien était beaucoup plus réel que sur la Terre ou au niveau du cordon ombilical ou des affinités. C'est pour l'animal. L'animal humain descend génétiquement de ses parents humains. Mais si on regarde un être d'évolution qui, lui, a une réincarnation génétique qui est au-delà du monde de la matière physique, alors évidemment, ses frères et ses sœurs ne sont pas nés sous le même toit. Bon, il nous reste 5 minutes environ. J'aimerais que tu nous donnes un peu quelques clés qui soient applicables de façon pratique dans le quotidien. Des choses très simples, mais comme on a identifié à travers ton discours qu'il fallait opérer un détachement de la forme, là, pour permettre de liquider des mémoires, autrement dit, de permettre que l'esprit se manifeste à travers l'ego fracturé. Là. Comment est-ce qu'on peut, dans le quotidien, dans la vie pratique de tous les jours, se détacher de la forme? Bon, la première chose, et ça c'est le grand piège de récupération astrale, il faut se détacher de la forme, et normalement l'astral instruit les individus qu'ils doivent maintenant maudire la forme. Maudissant la forme, ils énergisent la forme. Ouais. La forme, elle a une utilité. Il faut comprendre l'intelligence de la forme pour arriver à se détacher des formes qui ne sont plus utiles et garder les formes qui le sont. Un bonhomme que j'ai connu énergétiquement à un moment donné, il s'est détaché de la forme. Alors, il a cessé de manger, il a jeûné, il ne se lavait plus. Et son corps était pour lui ce qui le limitait le plus dans son évolution. C'est ce qui arrive aux Indes, généralement. Oui, parce que là, on veut se détacher de la forme. Bon. Mais c'est peut-être pas de la forme physique. Il faut comprendre la forme. Si t'as une forme qui est grosse comme ça, détache-toi-en d'une partie. Maigris. Par correspondance sur les autres plans. Mais c'est le même phénomène. C'est qu'il y a des formes. Moi, je me sers de forme, je me sers de langage, je me sers de parole. Je me sers de la forme là où elle est utile. Mais là où la même forme n'est plus utile, je ne m'en sers plus. Autrement dit, c'est que tant que l'humain... C'est quoi se détacher de la forme? C'est cesser de s'identifier dans la forme. Cela veut dire ne plus mettre d'importance dans la forme. La forme, elle n'est pas importante, elle est utile. Et l'homme nouveau va vivre dans cette utilité des choses, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus vibrer d'importance. Le mot important va tout à fait disparaître de l'homme nouveau. Il ne l'emploiera plus. Il n'y a rien d'important. Est-ce que de l'eau, c'est important? Non. Tu tiens en vache? D'accord. C'est pas important. La nourriture, c'est important? Non. Mais quand t'en as pas, t'as faim puis tu meurs. Oui, donc c'est utile. Mais c'est pas important. Et est-ce que tes deux bras, c'est utile? Oui. Est-ce que c'est important? Non. C'est important à l'instant où tu identifies la partie de ton intelligence dans ces choses-là. Autrement dit, si ça te sécurise, ça devient important. Alors, à un moment donné, tu as une vieille minoune, une vieille auto, qui n'est plus utile, mais tu la conserves parce qu'elle a de l'importance pour toi. Alors, lorsqu'une chose utile devient inutile, l'homme nouveau s'en débarrasse. La donne, la vend, la détruit. Mais l'homme ancien, lorsqu'une chose utile est inutile, l'importance camoufle son inutilité et il les conserve. alors il se ramasse un karma. À quoi ça vous sert de savoir ce que vous avez fait v'là X années? À rien. Mais c'est vous. Parce que c'est important. Mais c'est pas vous, c'est pas l'homme. Entretenir des souvenirs, ce serait une forme. Ce serait un et attachement oui, à la forme, ça. Oui, et il y a des souvenirs qui ont une utilité. Te rappeler où tu restes, c'est utile. Mais te rappeler que t'es resté là, puis là, puis là, puis t'étais heureux là, puis t'étais heureux là, puis t'as mangé de la marde là, t'as divorcé là, t'as rencontré ton mari là, ou ton chum là, ou ta femme là, ton premier enfant, tu l'as eu là, puis ici, puis ça, puis ça, puis ramasser les cheveux de ton enfant à 1 an, puis à 2 ans, puis à 3 ans, puis à 4 ans, puis à 5 ans, puis à 6 ans, puis les photos, puis les empreintes de pieds, t'es rendu à 16 ans, mets ton pied là-dessus, je prends des empreintes. Mais il y a des parents qui font ça, qui ramassent tout au complet. Ils s'arrangent pour souffrir en vache. C'est ça, énergiser la mémoire ou l'entretenir la forme. Oui. Quelles sont les autres formes que tu peux démasquer dans le quotidien? Quelles sont celles qui sont, par exemple, peut-être les plus faciles et les plus difficiles à défaire? Les plus faciles sont tous les plus souffrantes, donc les plus difficiles parce que l'homme a peur de souffrir. On ne parle pas des formes à éliminer parce qu'il y en a trop. Je vais surtout parler des formes à conserver. L'être humain existe. Toi, tu es là, je suis là, vous êtes tous là. Ça, c'est une forme qui doit être conservée. Suicidez-vous pas. Autrement dit. L'être humain, il est là dans un temps immédiat. Cela veut dire que lorsque l'être humain prend sa montre, qu'il la place sur le chronomètre, qu'il pèse dessus, il dit, ça fait 1 minute, 1 seconde, 2 secondes que je parle, 3 secondes que je parle, 4 secondes que je parle, 5 secondes, c'est une forme à se débarrasser. Ça ne fait pas 5 secondes que je parle, parce que chaque millième de seconde, vous entendez le mot. Et le reste n'existe plus, c'est mémorisé. Ça fait partie du monde des morts. Je regarde ma montre, je peux dire, ça fait 19 à 20 secondes. Non. Ce que je vois présentement, je le vois présentement. Exactement comme le zéro. Je le vois présentement. Combien de secondes vois-tu 0 secondes? Autant que si tu pèserais dessus. Le temps n'existe pas. La réalité existe. Le moment présent existe. Et le moment présent n'est pas chronométrable parce que là, j'ai mes milliers, mes centièmes de secondes ici. Et les centièmes de secondes passent à une vitesse folle. Je n'arrive même pas à les voir. Ils passent. Donc, ils ne sont même pas capables de rester présents dans le présent parce qu'elles passent. Ils sont trop connes pour rester présentes. Elles passent. Mes centièmes de secondes sont même pas capables d'être présents. Regarde-les passer. Alors, si je dis le temps existe, le passé, ça l'a existé, ça existe, et le futur, ça existe, là, je fais bien de jouer avec un chronomètre parce que je n'ai besoin, parce que je suis dans la forme. Que le temps existe. Alors, je peux dire, oui, mais j'ai déjà eu 12 ans. Et où il est, le 12 ans? Que personne ne sorte, là. Il y a quelqu'un qui a volé son 12 ans, là. Videz vos poches. J'en ai déjà parlé en conférence, mais c'est le même phénomène. Le temps fuit. Oui, le temps ne fuit pas, le temps n'existe pas. Krishnamurti a dit à un moment donné, et je le cite parce que c'est un bonhomme que ceux qui s'intéressent, vous pourriez lire un peu de temps en temps. Le temps, c'est exactement comme une trace laissée par un pied dans le sable. La trace, elle est là tant que le pied est là. Quand le pied se lève, le sable est emporté par le vent. Et il n'y a plus de trace. La trace, elle existe tant que le pied est posé. Quand le pied est élevé, la trace n'est plus là. Le vent l'a emporté. C'est du passé. Alors, c'est tu sais, la mémoire, c'est ça. Ça n'existe plus, ce n'est pas réel. Tu prends une photo et que j'étais bien là. C'est... Oui, mais là, tu étais sûr. Autrement dit, tant que t'es dans la forme, t'es dans l'empreinte et t'avances pas. Exactement. Tu restes dans l'empreinte. C'est comme ceux qui vont faire un voyage, qui prennent des photos, qui regardent pas ce qu'ils visitent pour pouvoir le visiter chez eux en regardant le diapo. Là, ils font le voyage. Hey, c'était beau! Fait qu'on devrait être capable de pouvoir marcher sans laisser de traces. Marcher sans laisser de traces, ça veut dire marcher sans regarder en arrière si on laisse sa trace. Ça veut dire faire comme un bateau dans l'eau, hein? Ça fend l'eau, puis en arrière, l'eau jamais brisée. Ça veut dire avancer comme un bateau dans l'eau. Merci, Daniel. On fait une pause d'une demi-heure et on vous revient en compagnie de vos questions que vous serez...